La saison de la Ligue de hockey junior majeur du Québec débute en fin de semaine. Et évidemment, on aime parler des Huskies de Rouyn-Noranda. Pourquoi? Parce que Gilles Bouchard, l'instructeur des Huskies, vient de Normandin. Question de savoir un peu comment il entrevoit la prochaine saison. On lui passe. Salut Gilles! Gilles, en passant, passe un bel été? OK. Ben oui. OK, OK. Ça dit quoi l'équipe canadienne dans les moins de 17 ans? Des défenseurs que des rois d'avant. Fait que ça va être intéressant. Quand ils vont regrouper ça en une équipe au Canada, là, donc ils vont avoir une très bonne équipe. OK. Gilles, t'es-tu né à Normandin? Tu passes juste un petit peu ici? Je pense que depuis que j'ai 16 ans, c'est mon record d'absentéisme à Normandin. OK. Je suis allé deux fois, mais aller-retour. Okay. J'ai arrivé, exemple, un jeudi, je suis parti vendredi, puis j'ai fait ça deux fois, c'est le seul temps que j'ai eu, fait que j'ai pas... Non, j'ai brillé par mon absence. Ah, ben regarde, c'est que tu veux. Hey Gilles, les Huskies de Rouyn-Noranda, je suis en train de la lire un petit peu, tout le monde fait des pronostics à l'approche du début de la saison. Je viens de lire Stéphane Leroux un petit peu avant de t'appeler. On met les Huskies au troisième rang de la division. Est-ce qu'on peut parler de semi-reconstruction du côté des Huskies? Bon, oui, on est en transition. On a perdu bien des joueurs de 19 ans l'an passé qui ont tout signé l'échelle ou presque. Fait que on est en transition. On a une équipe vraiment plus jeune. On a seulement juste 3 19 ans dans notre équipe cette année. L'année passée, on avait à peu près 9. Là. OK. Fait que c'est bien différent. Mais gars, cette année, on a 10 joueurs de 18 ans. Fait que ça va être intéressant pour l'an prochain. Là. OK. Donc, on peut parler quoi? Milieu de peloton? Peut-être on vous place 3e, c'est à peu près ça. On peut parler milieu de peloton. Puis on sait jamais. Là, ouais. Des fois, les choses se passent bien. Les blessures. Les blessures, si on joue bien une petite 5 tout le temps dans le système, dans l'identité de notre équipe, on pourrait surprendre, ça c'est sûr et certain, parce que on a un bon groupe de joueurs avec une bonne attitude, des gars qui travaillent, on a 5 de terrain qui reviennent à la def. Okay. C'est quand même positif de ce côté-là. Là. La perte du côté de Jérémy Lauzon et Philippe Meyer, ça fait mal, hein? C'est sûr que c'est là que ça fait le plus mal, peut-être? Bon, c'est sûr que ça. Ben ça. Ouais, là ça fait mal, mais là. Ça fait mal aussi. On perd Alexandre Fortin qui a manqué le NHL à Chicago l'an passé. On perd Gabriel Fontaine qui est parti aux Rangers de New York. Jean-Christophe Baudin qui est parti au Colorado. Fait que on perd un débondement un peu à toutes les positions. OK. Parle-moi d'Anton Walker qui a été choisi par le. Ben, qui a signé un contrat comme joueur autonome avec le Canadien de Montréal. C'est quoi que. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre en tant que partisan du Canadien? Est-ce qu'on peut s'attendre à un joueur qui a le potentiel peut-être de jouer dans la Ligue nationale sur un troisième ou un quatrième trio? Comment tu vois ça, toi? Oui, c'est un joueur qui a le potentiel pour jouer c'est un 3, c'est une 3, c'est une 4. Puis il a les habiletés pour générer de l'offensive. Je pense une troisième, une quatrième ligne aussi. C'est un gars d'énergie. C'est un gars qui a une bonne tête d'hockey, qui comprend la game. Fait que, écoute, c'est un roi dédié, c'est un power forward, comme on dit. Ouais. Et quand je suis pas inquiet qu'il va. Dans le processus, là, il va surprendre là, au fur et à mesure que les mois vont avancer, là, je suis certain. C'est un gars qui a un bon physique aussi, hein? Ouais, et ça, c'est un environ, là. C'est un quelque de tête, puis c'est un gars qui a pas peur de s'impliquer physiquement. Fait que c'est vraiment un power forward qui peut générer de l'offensive et qui est capable de bien jouer défensivement. Fait que c'est un bon joueur. OK. Aïe, dis-moi, vous avez libéré Olivier Tremblay qui est rendu avec les 67 d'Ottawa. C'est-tu parce que quelque part, là, vous êtes en construction, vous allez faire confiance en Zachary Aymon pour seconder Samuel Harvey. Est-ce qu'on peut dire que dans le fond que c'est une. Si vous n'auriez pas été en construction, peut-être que vous auriez gardé Tremblay. Puis on veut donner la chance à Aymon le plus possible de se développer. Bon, écoute, c'est ça, on avait trois joueurs de 20 ans de qualité, là, avec Lincoln, okay. Ford et Mathieu Couffé. Fait que, tu sais, on avait pleine confiance en Samuel Harvey comme 19 ans. Okay. Fait que, même si on n'avait pas été en construction, je pense que ça aurait été pas mal le même scénario. Là. Fait que, écoute, c'est. Nous autres, ce qu'on voulait, c'est trouver une place. C'est pas évident d'avoir une place, d'avoir un spot dans la ligue, là, comme 20 ans, comme gardien de but. Okay. On a droit seulement 3-20 ans. Puis finalement, on a réussi à organiser quelque chose pour qu'il se ramasse avec Ottawa. Fait que ça a fonctionné. Ah ben, c'est bon, ça. Puis écoute, je te dirais qu'il est très, très, très heureux de la situation. Là. Il m'a encore texté il n'y a pas longtemps. Puis, il apprécie bien gros le fait qu'il ait la chance de jouer dans la CHL encore. Là. OK, OK. Ben Gilles, on va te souhaiter la meilleure des chances avec les Huskies et on va se reparler au courant de l'année. Hey, ton garçon cette année, c'est une année, si je ne me trompe pas, avec Bécombeau, c'est une année importante, hein? C'est pas son année de repêchage? Oui, c'est son année de repêchage du NH, là, fait que... Ouais. C'est une année importante pour lui, mais comme il dit, il s'est concentré une journée à la fois, puis sur le processus, puis travailler, le reste, on verra en temps et lieu au mois de juin, là, le draft va être à Dallas, là, quel rôle qui va sortir. Là. OK, ça doit pas être facile, là, quand tu joues comme Bécombeau? Non, c'est pas la plus belle des choses. Oui, effectivement, tu sais. C'est pas la meilleure situation. Puis ça vient justement ici là, bientôt au début de la saison, le 6 et 7 octobre, et on va voir comme des commos ici à Rouen. OK. Ben Gilles, ça va arriver vite. La meilleure des chances, on va te souhaiter évidemment une bonne saison et on va s'en reparler au courant de l'année. Y'a pas de temps, merci beaucoup. L'instructeur chef des Huskies de Rouen-Noranda, Gilles.